Faudrait une batterie. Thank you. I just wanna feel where your love feels on the holiday. Je vais essayer autre chose, mais ça prend du temps parce que mon ordinateur, c'est une... Je sais pas ce qu'il a, il a trop travaillé, il chauffe maintenant. Alors, pendant que vous faites un petit buff, j'essaye de mettre un autre morceau. Je vais essayer. Hein. Parce que je viens de découvrir ce système. Alors, merde, je réduis. Plus, moins. Voilà. Après, il faut trouver la piste de batterie. Je suppose que là, c'est la 10. Thank you. Thank you. Allez Sharon, à toi. C'est facile. C'est facile. Mais tu mutes les autres sons que t'aimes pas. Tu mets la batterie, tu mets ta basse et voilà, vous êtes tranquille. Allez, vas-y, je t'écoute. Thank you. C'est bien, Charles, bravo. Thank you. Thank you.